Le soir, on revient gaiement tous ensemble. On nourrit et loge les ouvriers tout le temps de la vendange. Et même le dimanche, après le prêche du soir, on se rassemble avec eux et l'on danse jusqu'au souper. Le lieu de l'assemblée est une salle à l'antique, avec une grande cheminée où l'on fait bon feu. La pièce est éclairée de 3 lampes. Le souper est servi sur 2 longues tables. Le luxe et l'appareil des festins n'y sont pas, mais l'abondance et la joie y sont. Tout le monde se met à table, maître, journalier, domestique. Je me prévaux aussi, milord, des plaisirs du pays et de la saison. Je reprends la liberté de vivre à la valaisanne et de boire assez souvent du vin pur. Mais je n'en bois point qui n'ait été versé de la main d'une des 2 cousines. Elle se charge de mesurer ma soif à mes forces et de ménager ma raison. Je laisse exhaler mes transports sans contrainte. Ils n'ont plus rien que je doive taire, rien que gêne la présence du sage Volmar. Je ne crains point que son œil éclairé lise au fond de mon cœur. Et quand un tendre souvenir y veut renaître, un regard de Claire lui donne le change. Un regard de Julie m'en fait rougir. Après le souper, on veille encore 1 heure ou 2 en théillant du chanvre. Chacun et sa chanson tour à tour. Quelquefois, les vendangeuses chantent en chœur toutes ensemble, ou bien alternativement, à voix seule et en refrain. Je trouve à s'éveiller une sorte de charme que je ne puis vous expliquer, milord, et qui m'est pourtant fort sensible. Cette réunion des différents états, la simplicité de cette occupation, l'idée de délassement, d'accord, de tranquillité, le sentiment de paix qu'elle porte à l'âme, à quelque chose d'attendrissant qui dispose à trouver ses chansons plus intéressantes. Voilà comment se passe la journée. Quand l'heure de la retraite approche, Madame de Volmar dit « Allons tirer le feu d'artifice ». Ensuite, on offre à boire à toute l'assemblée et chacun va se coucher, content d'une journée passée dans le travail, la gaieté, l'innocence, et qu'on ne serait pas fâché de recommencer le lendemain, le surlendemain et toute sa vie.